Lecture d'enfance. Toute cette semaine, Lecture d'enfance vous emmène dans le monde d'Oscar Wilde, des contes extraits du recueil Le Prince Heureux, diffusé pour la première fois dans la collection du Pince-Oreille. Les histoires du Pince-Oreille. Conte d'Oscar Wilde, choisi par Dominique Jaïr, réalisé par Anne Lemaître. Le rossignol et la rose et le géant égoïste, lu par André Dussolier. Elle a promis de danser avec moi si je lui apportais des roses rouges, s'écria le jeune étudiant. Mais il n'y a pas une rose rouge dans tout le jardin. De son nid dans le chêne vert, le rossignol l'entendit. Il regarda à travers le feuillage et s'étonna. « Pas une rose rouge dans tout le jardin !» s'écria l'étudiant, et ses beaux yeux s'emplirent de larmes. « Ah, de quelles petites choses dépend le bonheur ! J'ai lu tout ce qu'ont écrit les sages, et tous les secrets de la philosophie sont miens, et cependant, faute d'une rose rouge, ma vie devient infortunée. »« Voilà au moins un véritable amant, » dit le rossignol. « Nuit après nuit, je l'ai chanté sans le connaître. Nuit après nuit, j'ai dit son histoire aux étoiles, et voici que je l'aperçois. Ses cheveux sont aussi sombres que la fleur de jacinthe et ses lèvres aussi rouges que la rose de son désir. Mais la passion lui a fait un visage de pâle ivoire et la douleur lui a mis son sceau sur le front. « Le prince donne un bal demain soir, » dit le jeune étudiant, « et ma bien-aimée sera de la fête. Si je lui apporte une rose rouge, elle dansera avec moi jusqu'à l'aube. Si je lui apporte une rose rouge, je la tiendrai dans mes bras et elle penchera sa tête sur mon épaule et ma main pressera la sienne. Mais il n'y a pas de rose rouge dans mon jardin et je resterai assis et délaissé et elle m'ignorera. Elle n'aura de moi nul souci et mon cœur se brisera. » « Voilà en vérité un véritable amant, » dit le rossignol. « Ce qui fait mon chant fait sa souffrance. Ce qui est joie pour moi est peine pour lui. » Vraiment, l'amour est une chose merveilleuse. Il est plus précieux que l'émeraude et plus rare que la fine opale. Les perles et les grenades ne le peuvent acheter. On ne le trouve pas non plus au marché. On ne peut l'acquérir chez les marchands ni le peser dans la balance contre de l'or. Les musiciens seront assis dans la galerie, dit le jeune étudiant. Ils joueront de leurs instruments à cordes et ma bien-aimée dansera au son de la harpe et du violon. Elle dansera si légèrement que ses pieds ne toucheront pas le sol. Et les courtisans dans leurs gais atours s'assembleront autour d'elle, mais elle ne dansera pas avec moi, car je n'ai pas de rose rouge à lui donner. » Et il se laissa tomber sur l'herbe, enfouit dans ses mains son visage et pleura. « Pourquoi pleure-t-il ? » demanda un petit lézard gris en filant près de lui la queue dressée. « Pourquoi en vérité ?» dit un papillon qui, en voletant, poursuivait un rayon de soleil. « Pourquoi en vérité ?» murmura une pâquerette à sa voisine d'une voix basse et douce. « Il pleure pour une rose rouge, » dit le rossignol. « Pour une rose rouge ? » s'écrièrent-ils. « Ah, que c'est ridicule !» Et le petit lézard, qui était quelque peu cynique, se mit à rire à gorge déployée. Mais le rossignol comprenait le secret du chagrin de l'étudiant. Il restait silencieux dans le chêne et songeait au mystère de l'amour. Il étendit soudain ses ailes brunes et prit son vol. Il traversa le bosquet comme une ombre et comme une ombre, il vogua par le jardin. Au centre de la pelouse, il y avait un beau rosier et quand il le vit, il vola vers lui et se posa sur une branche. « Donne-moi une rose rouge, » s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus jolie chanson. » Mais le rosier secoua la tête. « Mes roses sont blanches, » répondit-il. aussi blanche que l'écume de la mer et plus blanche que la neige des montagnes. Mais va voir mon frère qui croit autour du vieux cadran solaire. Peut-être te donnera-t-il ce que tu désires. » Et le rossignol vola vers le rosier qui croissait autour du vieux cadran solaire. « Donne-moi une rose rouge, » s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus jolie chanson. » Mais le rosier secoua la tête. « Mes roses sont jaunes, » répondit-il, « aussi jaunes que les cheveux de la sirène assise sur un trône d'ambre, et plus jaunes que le narcisse qui fleurit dans le pré avant que le faucheur ne vienne avec sa faux. Mais va voir mon frère qui croît sous la fenêtre de l'étudiant, peut-être te donnera-t-il ce que tu désires. » Et le rossignol vola vers le rosier qui croissait sous la fenêtre de l'étudiant. « Donne-moi une rose rouge, » s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus jolie chanson. » Mais le rosier secoua la tête. « Mes roses sont rouges, » répondit-il, « aussi rouges que les pattes de la colombe et plus rouges que les grands éventails de corail qui s'agitent sans cesse dans la caverne de l'océan. Mais l'hiver a glacé mes veines. » Et le froid a détruit mes bourgeons, et l'orage a brisé mes branches, et je n'aurai pas de rose cette année. « C'est une rose rouge que je désire, » s'écria le rossignol. « Rien qu'une rose rouge. N'y a-t-il aucun moyen de l'obtenir ?»« Il y a bien un moyen, » répondit le rosier. « Mais il est si terrible que je n'ose te le dire. »« Dis-le-moi, » pria le rossignol. « Je n'ai pas peur. » « Si tu veux une rose rouge, » dit le rosier, « il faut que tu la crées avec de la musique au clair de lune et que tu la teintes du propre sang de ton cœur. Il faut que tu chantes pour moi avec ta gorge contre une épine. Toute la nuit, il faut que tu chantes pour moi et que l'épine perce ton cœur. Et le sang de ta vie doit couler dans mes veines et devenir mien. La mort est un grand prix à payer pour une rose rouge, s'écria le rossignol. Et la vie est très chère à tous. Il est agréable de s'asseoir dans le bois vert et de contempler le soleil dans son char d'or et la lune dans son char de perles. Doux est le parfum de l'aubépine et jolies sont les campanules qui se cachent dans la vallée et la bruyère qui fleurit sur la colline. Mais l'amour vaut mieux que la vie. Et qu'est-ce que le cœur d'un oiseau comparé au cœur d'un homme ? Et il étendit ses ailes brunes et prit son vol. Il parcourut le jardin comme une ombre, et comme une ombre, il vogua vers le bosquet. Le jeune étudiant était encore couché sur l'herbe, là où il l'avait laissé, et il y avait encore des larmes dans ses beaux yeux. « Sois heureux, » s'écria le rossignol, « sois heureux, tu auras ta rose rouge. Je la créerai avec de la musique au clair de lune, et la teinterai du propre son de mon cœur. Tout ce que je te demande en retour, c'est que tu sois un amant véritable. L'amour est plus sage que la philosophie, bien qu'elle soit sage, et plus puissant que le pouvoir, bien qu'il soit puissant. Ses ailes sont couleur de flamme, et couleur de flamme est son corps. Ses lèvres sont douces comme miel, et son haleine est comme l'encens. L'étudiant leva les yeux et écouta. Mais il ne pouvait comprendre ce que lui disait le rossignol, car il ne savait que les choses qui sont écrites dans les livres. Mais le chêne vert comprit, et il s'attrista, car il aimait chèrement le petit rossignol qui avait fait son nid dans ses branches. « Chante-moi une dernière chanson, » murmura-t-il. « Je serai bien seul quand tu seras parti. » Et le rossignol chanta pour le chêne vert. Et sa voix était comme de l'eau qui coule en murmurant d'un vase d'argent. Quand il eut fini son chant, L'étudiant se leva et tira un carnet et un crayon de sa poche. Il a de la technique, se dit-il en traversant le bosquet. On ne peut le lui dénier. Mais a-t-il du sentiment ? Je crains bien que non. En réalité, il est comme la plupart des artistes. Il est tout style et sans sincérité. Il ne se sacrifierait pas pour les autres. Il ne pense qu'à la musique. Et chacun sait que les arts sont égoïstes. Et pourtant, il faut admettre qu'il a quelques belles notes dans la voix. Quel dommage qu'elles ne signifient rien ou ne servent pas à quelque chose. Et il rentra dans sa chambre, s'étendit sur son grabat et se mit à songer à son amour. Et après un certain temps, il s'endormit. Et quand la lune brilla dans le ciel, le rossignol vola vers le rosier et mit sa gorge contre l'épine. Toute la nuit, il chanta avec sa gorge contre l'épine. Et la froide lune de cristal se pencha pour écouter. Toute la nuit, il chanta. Et l'épine entra de plus en plus profondément dans sa gorge. Et le sang de sa vie s'en alla de son corps. Il chanta d'abord la naissance de l'amour dans le cœur d'un jeune homme et d'une jeune fille. Et sur la plus haute branche du rosier fleurit une rose merveilleuse, pétale après pétale, comme chant après chant. D'abord elle fut pâle, pâle comme les vapeurs suspendues au-dessus de la rivière, pâle comme les pieds du matin et argentée comme les ailes de l'aube, comme l'ombre d'une rose dans un miroir d'argent, comme l'ombre d'une rose dans un étang. Ainsi était la rose qui fleurit sur la plus haute branche du rosier. Mais le rosier cria au rossignol de se presser plus fort contre l'épine. « Presse-toi plus fort, petit rossignol, » cria le rosier, « sinon le jour viendra avant que la rose soit finie. » Et le rossignol se pressa plus fort contre l'épine, et son chant s'éleva de plus en plus, car il chantait la naissance de la passion dans l'âme d'un homme et d'une femme. Et une délicate rougeur apparut sur les pétales de la rose, comme la rougeur sur le visage de l'époux quand il baise les lèvres de l'épousée. Mais l'épine n'avait pas encore atteint son cœur, de sorte que le cœur de la rose demeurait blanc, car seul le sang du cœur d'un rossignol peut empourprer le cœur d'une rose. Et le rosier cria au rossignol de se presser plus fort contre l'épine. « Presse-toi plus fort, petit rossignol !» cria le rosier, « sinon le jour viendra avant que la rose soit finie !» Et le rossignol se pressa plus fort contre l'épine. Et l'épine toucha son cœur, et une douleur cruelle le transperça. Plus cruelle était la douleur, et plus farouche devint son chant, car il chanta l'amour qui est parachevé par la mort, l'amour qui ne meurt point dans le tombeau. Et la rose merveilleuse devint pourpre, comme la rose du ciel d'Orient. Pourpre était le cercle des pétales, et pourpre comme un rubis était le cœur. Mais la voix du rossignol s'affaiblit de plus en plus, et ses petites ailes se mirent à battre, et un voile descendit sur ses yeux. Son chant s'affaiblit de plus en plus, et il se sentit étouffé. Puis son chant jaillit pour la dernière fois. La lune l'entendit, elle en oublia l'aube et s'attarda dans le ciel. La rose rouge l'entendit et elle trembla toute d'extase et ouvrit ses pétales à l'air frais du matin. L'écho le porta jusqu'à sa caverne violette sur la colline et éveilla de leurs rêves les bergers endormis. Il flotta à travers les roseaux de la rivière qui portèrent son message jusqu'à la mer. « Regarde, regarde !» s'écria le rosier. « La rose est finie maintenant !» Mais le rossignol ne répondit pas, car il était mort et couché dans l'herbe haute avec l'épine dans son cœur. Et à midi, l'étudiant ouvrit sa fenêtre et regarda dehors. « Quoi ? Quelle chance merveilleuse ! S'écria-t-il. « Voici une rose rouge !» Je n'ai jamais vu de ma vie une rose pareille. Elle est si belle qu'elle doit avoir, j'en suis sûr, un nom latin très long. Et il se pencha et l'accueillit. Puis il mit son chapeau et courut à la maison du professeur avec la rose dans sa main. La fille du professeur était assise sur le seuil, en roulant de la soie bleue sur un dévidoir, et son petit chien était couché à ses pieds. « Vous avez promis de danser avec moi si je vous apportais une rose rouge, » s'écria l'étudiant. « Voici la rose la plus rouge du monde. Vous la porterez ce soir près de votre cœur et, tandis que nous danserons ensemble, elle vous dira combien je vous aime. » Mais la jeune fille fronça le sourcil. « Je crains qu'elle n'aille pas avec ma robe, » répondit-elle. « Et de plus, le neveu du chambellan m'a envoyé quelques vrais joyaux et tout le monde sait que les joyaux coûtent beaucoup plus que les fleurs. »« Eh bien, sur ma parole, vous êtes une ingrate, » dit l'étudiant avec colère, et il jeta la rose dans la rue, où elle tomba dans le ruisseau et fut écrasée par une voiture. « Quelle chose absurde que l'amour !» dit l'étudiant en s'en allant. « Il n'est pas à demi aussi utile que la logique, car il ne prouve rien, et il raconte toujours des choses qui n'arrivent jamais. Et il vous force à croire des choses qui ne sont pas vraies. En fait, ce n'est rien de pratique. Et comme à cette époque, être pratique est l'essentiel, je retournerai à la philosophie et j'étudierai la métaphysique. » Et il revint dans sa chambre, tira un gros livre poussiéreux et se mit à lire. Le géant égoïste. Tous les après-midi, en revenant de l'école, les enfants allaient jouer dans le jardin du géant. C'était un grand et ravissant jardin, avec une douce herbe verte. Ça et là, sur l'herbe, il y avait de belles fleurs qui ressemblaient à des étoiles, et il y avait 12 pêchers qui, au printemps, s'épanouissaient en délicates floraisons couleur de rose et de perles, et en automne portait des fruits magnifiques. Les oiseaux, assis sur les arbres, chantaient si joliment que les enfants s'arrêtaient de jouer pour les écouter. « Comme nous sommes heureux ici !» s'écriait-il. Un jour, le géant revint. Il était allé visiter son ami, l'ogre de Cornouailles, et était resté 7 ans avec lui. Au bout de 7 ans, il avait dit tout ce qu'il avait à dire, car sa conversation était limitée. Et il avait décidé de retourner dans son château. Quand il arriva, il vit les enfants jouer dans le jardin. « Que faites-vous ici ? » s'écria-t-il d'une voix très rude. Et les enfants s'enfuirent. « Mon jardin à moi et mon jardin à moi. Tout le monde peut comprendre cela, et je ne laisserai personne d'autre que moi y jouer. » Et il construisit tout autour un mur très haut et mit un écriteau « Défense d'entrée sous peine d'amende. » C'était un géant très égoïste. Les pauvres enfants n'avaient plus d'endroit pour jouer. Ils essayèrent de jouer sur la route, mais la route était très poussiéreuse et pleine de gros cailloux, et ils n'aimaient pas cela. Après avoir appris leur leçon, ils erraient autour du mur en parlant du beau jardin qui était à l'intérieur. « Comme nous y étions heureux, » disaient-ils entre eux. Puis vint le printemps, et partout dans les champs, il y avait de petites fleurs et de petits oiseaux. Dans le seul jardin du géant égoïste, c'était encore l'hiver. Les oiseaux se souciaient peu d'y chanter puisqu'il n'y avait pas d'enfants, et les arbres oubliaient d'y fleurir. Un jour, une belle fleur sortit sa tête de l'herbe, mais quand elle vit l'écriteau, elle fut si peinée pour les enfants qu'elle se glissa de nouveau dans la terre et se remit à dormir. Les seuls satisfaits étaient la neige et le gel. « Le printemps a oublié le jardin, » s'écriait-il, « de sorte que nous vivrons ici toute l'année. » La neige couvrit l'herbe de son grand manteau blanc et le gel peignit d'argent tous les arbres. Puis ils invitèrent le vent du nord à demeurer avec eux et il vint. Il était enveloppé de fourrure et mugissait tout le jour dans le jardin et renversait les cheminées. « Voilà un endroit délicieux, » dit-il. « Il faut que nous invitions la grêle. » Et la grêle vint. Tous les jours, pendant 3 heures, elle crépitait sur le toit du château jusqu'à ce qu'elle brisa la plupart des ardoises. Puis elle courait tout autour du jardin aussi vite qu'elle pouvait. Elle était habillée de gris et son haleine était comme de la glace. « Je ne puis comprendre pourquoi le printemps tarde tant à venir, » disait le géant égoïste, tandis qu'il restait assis près de la fenêtre et regardait son jardin froid et blanc. « J'espère que le temps va changer. » Mais le printemps ne venait jamais, pas plus que l'été. L'automne donnait des fruits d'or à tous les jardins, mais n'en donnait aucun au jardin du géant. « Il est trop égoïste, » disait-il, de sorte que l'hiver y régnait toujours et que le vent du nord et la grêle et le gel et la neige dansaient parmi les arbres. Un matin, le géant était éveillé dans son lit quand il entendit une musique ravissante. Elle résonna si agréablement à ses oreilles qu'il pensa que ce devaient être les musiciens du roi qui passaient par là. En réalité, ce n'était qu'un petit linot qui chantait dehors, près de la fenêtre, mais il y avait si longtemps qu'il n'avait entendu un oiseau chanter dans son jardin que cela lui parut la plus belle musique du monde. Alors la grêle s'arrêta de danser au-dessus de sa tête, et le vent du nord cessa de mugir, et un doux parfum monta jusqu'à lui par la fenêtre ouverte. Ah, « Je crois que le printemps est enfin venu, » dit le géant, et il sauta du lit et regarda dehors. Que vit-il ? Il vit le plus merveilleux spectacle. À travers un petit trou dans le mur, les enfants s'étaient glissés à l'intérieur, et ils étaient assis sur les branches des arbres. Dans chaque arbre qu'ils pouvaient voir, il y avait un petit enfant. Et les arbres étaient si contents de voir les enfants revenus qu'ils s'étaient couverts de fleurs et agitaient doucement leurs bras au-dessus des têtes des enfants. Les oiseaux voletaient et gazouillaient avec délices et les fleurs regardaient à travers l'herbe verte et riaient. C'était un bien charmant spectacle. Mais dans un seul coin, c'était encore l'hiver. C'était le coin le plus reculé du jardin, et il y avait là un petit garçon. Il était si petit qu'il ne pouvait atteindre les branches de l'arbre, et il errait tout autour en pleurant amèrement. Le pauvre arbre était encore tout couvert de neige et de givre, et le vent du nord soufflait et mugissait au-dessus de lui. « Grimpe, petit garçon !» disait l'arbre, et il abaissait ses branches aussi bas qu'il pouvait, mais l'enfant était trop petit. Et le cœur du géant s'émut en regardant dehors. « Comme j'ai été égoïste, » dit-il, « maintenant je sais pourquoi le printemps ne voulait pas venir ici. Je vais mettre ce pauvre petit garçon tout en haut de l'arbre, et je démolirai le mur, et mon jardin sera à jamais la cour de récréation des enfants. » Il était vraiment très fâché de ce qu'il avait fait. De sorte qu'il descendit sans bruit l'escalier, ouvrit très doucement la porte, et pénétra dans le jardin. Mais quand les enfants le virent, ils furent si effrayés qu'ils s'enfuirent, et le jardin devint de nouveau l'hiver. Seul le petit garçon ne s'enfuit point, car ses yeux étaient si pleins de larmes qu'il ne vit pas le géant venir, et le géant s'avança sans bruit derrière lui, le prit doucement dans sa main, et le posa dans l'arbre. Et l'arbre se couvrit aussitôt de fleurs, et les oiseaux vinrent y chanter. Et le petit garçon étendit ses deux bras et les jeta autour du cou du géant et l'embrassa. Et quand les autres enfants virent que le géant n'était plus méchant, ils revinrent en courant et le printemps revint avec eux. « C'est votre jardin maintenant, petits enfants, » dit le géant, et il prit une grande hache et fit tomber le mur. Et quand tous les gens allèrent au marché à midi, ils virent le géant en train de jouer avec les enfants dans le plus beau jardin qu'ils eussent jamais vu. Ils jouèrent tout le jour, et le soir, ils vinrent dire au revoir au géant. « Mais où donc est votre petit compagnon ? » demanda-t-il. « Celui que j'ai posé dans l'arbre. » Le géant l'aimait mieux que les autres parce qu'il l'avait embrassé. « Nous n'en savons rien, » répondirent les enfants. « Il est parti ? » ?»« Il faut que vous lui disiez de venir demain, » dit le géant. Mais les enfants répondirent qu'ils ne savaient où il habitait, et ne l'avait jamais vu auparavant. Et le géant en fut très triste. Tous les après-midi, après l'école, les enfants vinrent jouer avec le géant, mais on ne revit jamais le petit garçon que le géant aimait. Le géant était très bon pour tous les enfants, mais il désirait revoir son premier petit ami et parlait souvent de lui. « Comme j'aimerais le voir, » disait-il. Les années passèrent, et le géant devint très vieux et très faible. Il ne pouvait plus jouer, de sorte qu'il restait assis dans un fauteuil immense, regardait les jeux des enfants et admirait son jardin. « J'ai beaucoup de belles fleurs, » disait-il, « mais les enfants sont les plus belles fleurs de toutes. » Un matin d'hiver, il regardait par la fenêtre en s'habillant. Il ne détestait plus autant l'hiver, car il savait que c'était simplement le printemps endormi et que les fleurs se reposaient. Soudain, émerveillé, il se frotta les yeux et regarda fixement. C'était certainement une vue merveilleuse. Dans le coin le plus reculé du jardin, il y avait un arbre tout couvert de ravissantes fleurs blanches. Ses branches étaient toutes dorées, et des fruits d'argent y étaient suspendus, et au-dessous se tenait le petit garçon qu'il avait aimé. Dans sa joie, le géant descendit en courant l'escalier et pénétra dans le jardin. Il traversa l'herbe en toute hâte et arriva près de l'enfant. Et quand il fut tout près, son visage rougit de colère et il dit « Qui a osé te blesser ?» Car sur les paumes de l'enfant, il y avait l'empreinte de deux clous. Et il y avait aussi l'empreinte de deux clous sur les petits pieds. « Qui a osé te blesser ?» s'écria le géant. « Dis-le-moi, afin que je prenne mon grand sabre et que je le tue. » « Non, » répondit l'enfant, « ce sont les blessures de l'amour. »« Qui donc es-tu ? » dit le géant, et une crainte étrange s'empara de lui, et il s'agenouilla devant le petit enfant. Et l'enfant sourit au géant et lui dit, « Tu m'as laissé un jour jouer dans ton jardin. Aujourd'hui, tu viendras avec moi dans mon jardin, qui est le paradis. » Et ce jour-là, quand les enfants coururent au jardin dans l'après-midi, ils trouvèrent le géant couché sous l'arbre, mort et tout couvert de fleurs blanches. C'était les histoires du Pince-Oreille. Conte d'Oscar Wilde, choisi par Dominique Jaïr. Le Rossignol et la Rose et Le Géant égoïste, traduit par Léo Lac, aux éditions au Club des libraires de France, lu par André Dussolier. Prise de son, Jean-Richard Dufour, Serge Ristich. Assistant, Marc-Alexandre Milenvoy. Réalisation, Anne Lemaître. Cette émission était remise en onde par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.